de monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Je présente jamais d'excuses à ceux qui les considèrent comme de la faiblesse. S'ils croient avoir un proverbe bien erroné, et leurs égos cherchent toujours à avoir raison. Quand le tort ou la raison montrent qu'ils ont tort, la remise en question n'est point leur fort. Laisse l'ignorance se sentir fort. Ici je présente les miennes, je me suis trompé d'orgueil et mes propos ont souvent dépassé mes mots. Et je ne parle pas des émotés, mais plus des MAUX. Autant de malus sur une conscience qui vise le bonus. Mon pire ennemi c'est moi-même, et plus le temps passe, plus je sens qu'il demande la signature d'une trêve. Cela veut dire que je progresse, et si j'ai dérapé, j'en suis désolé. J'étais pas mauvais mais juste baissé. Comme les nuages masquent le soleil, les colères cachent le calme. On est tous des êtres de paix. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Différencie les amis des copains, les copains sont un panier de glace qu'entretient la froideur des intérêts. Moi ce panier je l'ai brûlé, j'ai pas envie de les sucer. Je suis né pour vivre sans compromis, je reste parmi les gens entiers qui diront des quatre vérités. Je suis insurgé, je ne rentre pas dans vos schémas. Conso et délai ne prennent moi aucun poids. Soit fait justice, je commence par affronter mes émois. Je suis pas la police, je vais pas sécuriser ton dis-moi. Si tu veux du changement, va falloir commencer par toi. Atteint d'une maladie chronique, la vie, une maladie chronique, à base de produits chimiques, la mort. Te rappelle que ton temple et ton corps ne suffit pas d'adhérer aux pensées des autres pour en être fort. Tous les blabla, les ragots des gens ne m'intéressent pas. Moi je m'élève qu'au silence d'Allah. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Pas besoin de chercher la merde pour qu'elle vienne cogner à ton sphincter. C'est le cursus normal, la mienne. J'en fais un engrais sans nitrate dont germe la réflexion dans mon mental. Mais les graines du mal éclosent à la moindre pensée, mon rose. Je sais qu'il gueule fort, mais ne tient qu'à toi de cogner l'ange de gauche. T'as le gouvernail, et si ta galère te fout en panne, compte sur mon rap pour te donner un bon coup de rame, fils. On ne stoppe pas un homme responsable de ses choix qui conduit ses actes, quoi. T'es pas d'accord, viens on en parle autour d'une table, mais pas dans un McDo. On est ce que l'on mange et n'oublie pas que là-bas le Max et Donald. Tu vois qu'on peut être sérieux avec un peu d'humour. Pas besoin d'un gun pour alimenter un discours. La vie c'est miroir, laissez faire les grosses cailles, bientôt les canards. Car les semblables attirent les semblables. Les semblables attirent les semblables. Les semblables attirent les semblables. Les semblables attirent les semblables. Les semblables attirent les semblables. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Viens me voir qu'on en parle, qu'on refasse le monde garde sur table. Oh non, je ne prétends pas tout savoir, juste tout découvrir et c'est mon seul vouloir. Viens me voir qu'on en parle, qu'on en parle. Tu veux venir me causer après une scène? Viens me voir qu'on en parle. Pose des questions surtout. Viens me voir qu'on en parle. L'existence et tout, c'est faux repères. Viens me voir qu'on en parle. T'as une bouche, deux oreilles. Viens me voir qu'on en parle. Je suis prêt moi. Oh, oh, oh. Oh.